السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، chers frères et sœurs, on remercie Allah Azza wa Jal pour nous avoir comblés de ses nombreux bienfaits apparents et cachés. Et parmi ces bienfaits et sa grâce, il y a le fait qu'il nous ait permis de se rassembler pour étudier un chapitre parmi les chapitres de la science religieuse. Nous entamons aujourd'hui, à travers une série de cours, la lecture et l'étude d'un livre qui est un fondement dans la croyance du musulman. Ce livre que nous avons entre les mains est un épître concis, mais grandiose de par ce qu'il contient comme bénéfices et intérêts pour le musulman, que cette personne fasse partie des étudiants en sciences ou du commun des gens. Ce livre, les savants n'ont cessé et ne cessent de l'enseigner car il est une base et un fondement dans le domaine de la croyance. Cet épître s'intitule « Les trois fondements ». L'auteur de ce livre est le grand savant, le savant de l'islam, Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullahu ta'ala. L'auteur du livre explique à travers cet épître, « Les trois fondements », qui sont en réalité, ces trois fondements sont en réalité les trois questions qui seront posées à chacun d'entre nous dans la tombe. Ces trois questions sont: qui est ton Seigneur, qui est ton prophète et quelle est ta religion? Comme il a été rapporté dans le hadith, dans le sens du hadith, le musulman qui a été assisté et raffermi par Allah Azza wa Jal répondra: mon Seigneur est Allah, mon prophète est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ma religion est l'islam. On lui dira alors: comment as-tu eu connaissance de cela? Il dira: j'ai lu le livre, j'ai eu foi et j'ai rendu véridique ce qui a été rapporté du livre. On lui ouvrira alors une fenêtre ou une porte qui donne sur le paradis, et on lui dira: voici ta future demeure en attendant qu'Allah te ressuscite. Quant au mécréant, il dira: ha, ha, ha, j'ai entendu dire les gens, ou j'ai entendu les gens dire ceci et cela. Il sera alors frappé avec un marteau ou une massue en fer. Il poussera un cri que toute la création entendra à l'exception des djinns et des hommes. On lui ouvrira alors une fenêtre ou une porte qui donne sur l'enfer et on lui dira: voici ta future demeure. On demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver de cela. Et on lui demande de nous raffermir et de nous assister lors de cette épreuve. Il est donc essentiel à chaque musulman de se préparer en apprenant qui est son Seigneur, son prophète et quelle est sa religion avec preuve. On demande à Allah Azza wa Jal de nous assister et de nous octroyer la réussite. Nous nous baserons dans l'explication de cet épître des explications de l'éminent savant le Cheikh Saleh Al-Fawzan, de l'éminent savant le Cheikh Ubaid Al-Jabiri et du Cheikh Abdullah Al-Bukhari, Hafizahumullahu Ta'ala. L'auteur du livre commence cet épître, il dit Bismillahir Rahmanir Rahim, I'lam rahimakallah. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. L'auteur du livre a dit au nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux. Sache qu'Allah te fasse miséricorde qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre quatre choses ou quatre questions. La première, la science qui est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète et la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. La deuxième, la mise en pratique de cette science. La troisième, inviter les gens à cela. Et la quatrième, la patience face aux préjudices. La preuve est la parole d'Allah par le temps. L'homme est certes dans la perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience. L'imam al-Shafi'i, rahimahullahu ta'ala, a dit « Si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve pour les créatures, elle leur aurait suffi. » De même, l'imam al-Bukhari a dit « Chapitre, la science avant la parole et les actes. » La preuve est la parole d'Allah. Sache donc qu'en vérité, nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah et implore le pardon pour ton péché. L'auteur du livre, rahimahullahu ta'ala, commence son livre avec la basmala, qui est le fait de dire « Bismillahirrahmanirrahim » au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par cela, il prend exemple sur le livre d'Allah, le Coran, qui commence par la basmala. Il prend également exemple sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lors de ses écrits aux rois et gouverneurs, commençait par la basmala. Et les pieux prédécesseurs, les savants anciens et contemporains n'ont cessé d'agir de la sorte jusqu'à nos jours. Ensuite, il dit « I'lam rahimakallah » « Sache qu'Allah te fasse miséricorde ». Ici, l'auteur s'adresse au lecteur et à toute personne qui recherche la science. Il attire l'attention sur l'importance de ce qui va être dit. Il invoque également en faveur du lecteur et de l'étudiant et nous voyons à travers cela la compassion, la douceur qu'il porte à l'égard du lecteur et de l'étudiant. Ensuite, il dit « Yajibu alayna ta'allumu arba'i masa'il » Il nous est obligatoire d'apprendre quatre choses. C'est-à-dire qu'il est obligatoire à chacun d'entre nous, hommes et femmes. Car l'obligation se divise en deux. Il y a l'obligation individuelle qui incombe à chaque individu, à chaque personne. Et il y a l'obligation communautaire qui incombe à une partie de la communauté. Si une partie de la communauté s'en acquitte, alors le reste sera exempté de cela. Ici, il est question d'obligation individuelle, car ces questions reviennent et sont liées à la croyance du musulman. La première de ces quatre choses qu'il a citées est l'ilm, la science, qui est la connaissance d'Allah, de son prophète et de la religion avec ses preuves. Ce qui est voulu de la science ici, c'est la science religieuse, qui est basée sur le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. La science, c'est le fait de concevoir la réalité d'une chose. La connaissance et la science de l'homme, c'est un savoir qui est précédé d'ignorance. Quant à la science d'Allah Azza wa Jal, elle est parfaite. Elle n'est pas précédée d'ignorance et n'est pas sujette à l'oubli. La connaissance d'Allah, c'est de connaître Allah à travers ses noms, à travers ses attributs, à travers ses actes, de connaître son droit sur ses serviteurs, qui est de l'adorer seul sans rien lui associer. Quant à la connaissance de son prophète, c'est de connaître qui il est, savoir qu'il est l'envoyé d'Allah, de croire en lui, de rendre véridiques ses informations, lui obéir et suivre sa législation. Allah Azza wa Jal dit à cet effet, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Il dit dans le sens du verset, « Non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger dans leur dispute et qu'ils n'auront éprouvé nulle gêne pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. » Surat An-Nisa, les femmes, verset 65. Rentre également dans la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de connaître sa biographie. Quant à la connaissance de la religion de l'islam avec ses preuves, l'islam, de manière générale ou dans son sens général, c'est la religion avec laquelle tous les messagers sont venus, et les suiveurs de ces messagers à leur époque étaient musulmans. Quant à l'islam dans son sens particulier et spécifique, c'est le message avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. Après l'envoi du prophète, l'islam est donc restreint au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit à cet effet dans le Coran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dans le sens du verset, dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos fautes. Surat Ali Imran, verset 31. Ceux qui n'ont pas cru et qui ne croient pas au message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après son envoi ne sont pas musulmans et ne font pas partie de l'islam. Comme ceci est clair dans le hadith de Abi Huraira, radiyallahu anhu, hadith authentifié par Cheikh Al-Albani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yasma'u bi ahadun min hadhihi l'umma, wa la yahudiyun wa la nasraniyun, thumma la yu'minu bi illa kana min ahli nar. » Il n'y a pas une personne de cette communauté, ni parmi les juifs et les chrétiens, qui entend parler de moi et qui ne croit pas en moi ou à mon message, sans qu'il fasse partie des gens du feu. Dans la parole de l'auteur avec ses preuves, bil adilla, les preuves sont de deux catégories. Il y a les preuves textuelles et rationnelles. Les preuves textuelles, c'est-à-dire la révélation, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Les preuves rationnelles, c'est-à-dire en méditant sur la création d'Allah ou Azza wa Jal et en ayant une réflexion sur les signes d'Allah. Et ces deux catégories de preuves sont citées dans le Coran. La deuxième chose que l'auteur du livre a citée, est la mise en pratique de cette science. Après avoir appris, la deuxième étape est la mise en pratique de cette science authentique. Comme il fut dit, la science est un arbre et les actions sont les fruits de cet arbre. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal a blâmé ceux qui n'œuvrent pas en fonction de la science. Il dit « Ya ayyuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'aloun, kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'aloun. » Dans le sens rapproché du verset « Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. » Surat As-Saff, le rang, versets 2 et 3. Il dit également « اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Dans le sens rapproché du verset, guide-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Surat al-Fatiha, verset 7. Les exégètes du Coran ont dit concernant ce verset, ceux qui ont encouru la colère d'Allah sont les Juifs, car ils ont reçu la science, mais n'ont pas œuvré en fonction de cette science. Quant à ceux qui se sont égarés, ce sont les chrétiens, car ils ont œuvré sans science et n'ont pas cherché à savoir. Ils ont œuvré sans science et n'ont pas cherché à savoir, à apprendre la science. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait refuge contre une science inutile dans l'invocation. Quant à la science utile et profitable, c'est la science qui est mise en pratique. De même, Sufyan ibn Uyayna, rahimahullahu ta'ala, a dit, Al-ilmu illam yanfa'ka darraka. La science, si elle ne t'est pas profitable, elle te nuira. La science, si elle ne t'est pas profitable, elle te nuira. Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullahu ta'ala, a dit en commentaire de cette parole, elle sera profitable, c'est-à-dire la science, si la personne œuvre en fonction de cette science. Et elle sera nuisible si la personne n'œuvre pas en fonction de cette science, car elle sera une preuve contre la personne le jour dernier. De même, il fut dit dans les vers de poésie, وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلَنْ مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الْوَثَنِي. Et le savant qui n'œuvre pas de sa science sera châtié avant les adorateurs des idoles. La troisième chose que l'auteur du livre, rahimahullahu ta'ala, a citée est l'appel à cette science et à la mise en pratique. Cet appel, qui est en réalité un appel à concrétiser l'état de servitude à Allah Azza wa Jal et à concrétiser le suivi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'appel à Allah est la mission et la tâche des prophètes. Et l'appel à Allah doit être fait avec science, comme ceci est stipulé dans le verset suivant. Allahu Azza wa Jal dit, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dans le sens du verset, dit, voici ma voix, j'appelle les gens à Allah. Moi et ceux qui me suivent, nous basons sur une preuve évidente, gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. Surat Yusuf, verset 108. Celui qui a eu la connaissance, qui œuvre en fonction de cette connaissance, de cette science, doit à hauteur de sa connaissance appeler les gens à Allah, parmi les gens de sa famille, ses proches, ses voisins ou autres. Il doit appeler les gens à Allah à hauteur de sa connaissance. On dit parmi les gens de sa famille, ses proches, ses voisins ou autres. Et ceci à travers l'ordonnance du bien, la condamnation du blâmable et autres. Comme ceci a été rapporté dans le hadith, qu'Allah guide par ta cause un seul homme vaut mieux pour toi que 100 chamelles rousses. L'éminent savant, le cheikh Ubayd al-Jabiri, hafizahullah, a cité quelques caractéristiques dont le prêcheur doit se parer lorsqu'il appelle les gens à Allah. Il dit, les comportements que le prêcheur doit avoir sont nombreux. Nous allons citer les plus importants. Premièrement, il doit avoir le souci et la volonté de guider les gens et de leur transmettre la religion. Deuxièmement, il doit avoir de la douceur, car la douceur n'est pas dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse, et elle n'est pas retirée d'une chose sans qu'elle ne l'enlaidisse. Troisièmement, il doit avoir de la sagesse dans le prêche. La sagesse, c'est de mettre une chose à la place qui lui convient. Quatrièmement, le débat de la meilleure des manières, lorsque la personne a besoin que l'on argumente pour enlever une ambiguïté. Cinquièmement, la bonne exhortation. Sixièmement, la bonne compréhension, c'est-à-dire la science, connaître les interdits et les obligations. Septièmement, savoir éclaircir la vérité et inciter les gens à suivre cette vérité. De même, éclaircir le faux et mettre en garde les gens contre ce faux. Huitièmement, de ne pas se consumer de chagrin lorsqu'il voit que la personne qu'il prêche ou les gens n'acceptent pas cette vérité. Neuvièmement, de faire face aux ambiguïtés et arguments des gens du faux, y répondre avec force et mettre en garde contre ce mal et ces gens. Dixièmement, connaître l'état de la personne qu'on appelle à Allah. La quatrième chose que l'auteur du livre a citée est de patienter contre les préjudices. Il est connu que celui qui appelle à Allah, ordonne le bien, réprouve le blâmable, s'expose au préjudice des gens mauvais, car beaucoup de gens n'aiment pas le bien. Ce qu'ils aiment, c'est le suivi des passions et des interdits. La patience, c'est de retenir son âme contre la lamentation, contre la plainte face au décret d'Allah. Et elle est de plusieurs catégories. La première, qui est de patienter dans l'obéissance à Allah, en appliquant les ordres d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, de patienter face aux désobéissances à Allah, ceci en s'éloignant des interdits d'Allah. Et cette catégorie fait partie des hauts degrés, car comme ont dit certains pieux prédécesseurs, les bonnes actions sont accomplies par le pieux comme par le pervers. Quant au délaissement des péchés, seuls les véridiques y arrivent. Troisièmement, la patience sur la destinée et les épreuves d'Allah Azza wa Jal. Ceci en ayant une bonne pensée d'Allah, en ne pensant que du bien d'Allah Azza wa Jal, en retenant sa langue des mauvaises paroles, des lamentations, en retenant son corps de faire des actions ou des actes blâmables, comme déchirer ses vêtements ou se frapper le visage ou autre. Et cette dernière se divise en deux également, comme l'a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dans son épître, une règle sur la patience. Il dit, la première des deux catégories, c'est de patienter sur ceux dont le serviteur n'a pas le choix, comme la maladie, la mort des proches et autres. Sur celle-ci, il est facile pour le serviteur de patienter, car l'être humain n'a pas de volonté dans cela. Il patiente donc de gré ou de force. Quant à la deuxième, c'est celle qui provient des gens, comme l'atteinte dans les biens de la personne, dans son honneur ou dans sa propre personne. Cette catégorie, il est très difficile de patienter sur celle-ci, car l'âme en général déteste se faire dominer. Elle cherchera automatiquement à se venger et ne patiente sur celle-ci que les prophètes et véridiques. Fin de citation. Il n'y a donc pas un prophète ou un prêcheur qui appelle à la science authentique sans qu'il ne rencontre de nuisances, de préjudices de la part de ses détracteurs. Allah Azza wa Jal a dit concernant celui qui patiente, « Wallahu ma'as sabirin » Allah est avec les endurants. Il dit également, « Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab » Les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Ensuite, l'auteur a dit « wa dalil » et la preuve de cela, c'est-à-dire la preuve concernant les points cités précédemment. L'auteur du livre nous éduque à travers cela à s'accrocher aux preuves et à revenir aux preuves qui sont tirées du Coran et de la Sunna. Il dit « wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa aminu salihat, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr » Dans le sens, par le temps, l'homme est certes dans la perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. L'éminent savant, le Cheikh Salih al-Fawzan, Hafizahullah, explique la sourate. Il nous dit, par le temps, Allah jure par le temps qui est une de ses créatures. Et Allah jure par ce qu'il veut. Par contre, la créature ne jure que par Allah Azza wa Jal. Et il ne lui est pas permis de jurer par autre qu'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, celui qui jure par autre qu'Allah a certes mécru ou commis du polythéisme. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, rapporté par al-Bukhari et Muslim, celui qui doit jurer qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. Allah jure par ce qu'il veut et cela montre l'importance de ce par quoi il a juré. Il jure par le temps car il y a des leçons à tirer de ce temps, comme la succession de la nuit et du jour, des saisons. Tout ceci est organisé d'une manière parfaite et étonnante. De même, il y a dans ce temps les événements, les catastrophes, les calamités, les bonnes choses, les bienfaits. Dans tout cela, il y a des leçons à tirer. De même, la nuit et le jour, qui font partie du temps, sont les moments dans lesquels le serviteur œuvre, et il n'a pas d'autre moment pour œuvrer. Dans sa parole, l'homme est certes dans la perdition, c'est-à-dire l'être humain en général, homme, femme, roi, gouverné, riche, pauvre, libre, esclave, tous sont dans la perdition. Sauf ceux qui croient, font les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience. C'est-à-dire, celui qui se pare de ces quatre caractéristiques sera sauvé de la perdition. Ces quatre caractéristiques sont, la première, ceux qui ont cru. Et il n'est pas possible de croire sans la science, qui est la connaissance d'Allah, de son prophète et de sa religion, et de la religion de l'islam. La deuxième caractéristique, ceux qui font les bonnes œuvres. La troisième, ceux qui s'enjoignent mutuellement la vérité. C'est-à-dire, ils ordonnent le convenable, réprouvent le blâmable, appellent à Allah, enseignent la science profitable et la propagent. La quatrième, ceux qui s'enjoignent mutuellement la patience. Ceux qui patientent sur ceux qu'ils rencontrent comme préjudices et persécutions. Nous retrouvons à travers cette sourate les quatre points que l'auteur du livre a cités qui sont la science, le fait d'œuvrer en fonction de cette science, d'appeler les gens à Allah et de patienter sur les préjudices. Ensuite, l'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, cita la parole de l'imam al-Shafi'i qui a dit « Si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve pour les créatures, elle leur aurait suffi. » L'imam al-Shafi'i, qui est l'imam Muhammad, fils de Idris al-Shafi'i, qui est l'un des quatre imams connus. Le sens de sa parole est que cette sourate suffit à motiver la création, l'homme, à s'accrocher à sa religion, à croire, à faire les bonnes œuvres, à appeler Allah et à patienter sur les préjudices. Car Allah a mentionné dans cette sourate les causes du bonheur, qui sont ces quatre caractéristiques. Et le sens de sa parole n'est pas que cette sourate suffit pour les créatures en ce qui concerne toute la législation. Ensuite, l'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, a mentionné la parole de l'imam al-Bukhari, qui a dit dans son ouvrage, chapitre « De la science avant la parole et les actes ». Quant à l'imam al-Bukhari, il s'agit de Muhammad, fils de Ismaïl, fils de Ibrahim, fils de al-Mughira, al-Bukhari, de la région de Bukhara. Il est l'imam des gens du hadith, une montagne dans la mémorisation du hadith. Il est l'auteur du célèbre l'authentique de Al-Bukhari, qui est le livre le plus authentique après le Coran. Il dit, rahimahullah, la science passe avant la parole et l'action, et la preuve est dans la parole d'Allah. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah, et implore le pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes. Premièrement, il y a dans ce verset l'ordre d'Allah Azza wa Jal envers son prophète d'apprendre et de connaître, et ensuite d'œuvrer, qui est dans ce verset le fait de demander le pardon. Deuxièmement, car l'action sera bonne et profitable au serviteur que si elle est bâtie sur la sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces deux conditions ne peuvent être atteintes qu'à travers la connaissance d'Allah, de son prophète et de la religion de l'islam. Voici l'explication des quatre questions, des quatre choses que l'auteur du livre a citées. Il convient à chacun d'entre nous d'apprendre ces quatre questions qui sont, premièrement, d'apprendre la science, c'est-à-dire la connaissance d'Allah, de son prophète et de la religion de l'islam. Deuxièmement, d'œuvrer en fonction de cette science. Troisièmement, d'inviter les gens à la science et à la mise en pratique de cette science. Et quatrièmement, de patienter sur les préjudices que l'on rencontre dans l'appel à Allah. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous compter parmi ceux qui prêtent l'oreille à la parole et suivent ce qu'elle contient de meilleur. Notre prochain rendez-vous sera la semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.